une. Le marié et la mariée se détachent du groupe, traversent la scène et disparaissent dans l'appareil. Deux. Le beau-père et la belle-mère disparaissent dans l'appareil. Trois. Les premiers garçons et demoiselles d'honneur disparaissent dans l'appareil. Quatre. Les deuxièmes garçons et demoiselles d'honneur disparaissent dans l'appareil. Cinq. Même jeu pour le général, seul, tête basse, et l'enfant qui le traîne par la main.